Bella. T'es parti, ouais, tu m'as chez là. T'as laissé ta place sur le matelas. J'en love dans la favela. Wesh, ma Bella. Quand t'es revenu, moi j'étais plus là. J'aimais quand tu t'endormais avec mon pull large. Avant j'étais un gamin, maintenant je vois plus là. Je regarde nos photos, j'ai les nerfs. Empreinte, auto, camion, cellulaire. J'ai ma photo, ma co-cellulaire. J'ouvre le rétron, les envois en l'air. Toi t'es resté même dans la galère. Je t'aime à mort même si ça n'a pas l'air. J'suis trop hardcore, c'est vrai je l'avoue. En vrai j'aime trop tes bisous sur la joue. J'te dis t'inquiète pas, Bella, j'suis pas loin. J'suis parti avec une brique, j'en viens avec un palier. J't'ai ramené du fric, ouais tout ce qu'il fallait. J'suis à fond dans la musique, faut éviter le palier. Avec un petit tour, on pourra se caler. On fera un petit tour en repassant par l'allée. J'me retrouve devant la foule pété, j'suis à l'ouest. J'me retrouve devant son boule, j'oublie tout, j'suis à l'ouest. Oh ma Bella, t'es parti, ouais tu m'as chez là. T'as laissé ta place sur le matelas. J'en love dans la favela. Wesh ma Bella. Quand t'es revenu, moi j'étais plus là. J'aimais quand tu t'endormais avec mon pull large. Avant j'étais un gamin, maintenant j'vois plus là. Oh ma Bella. J'ai mis des tagada. Des fois je me taille sur un coup de nerf. Concert de Drake Show au Canada. Je converge aux îles sous la pleine lune. Mes huttes aux îles, je la mets en Lulu. On se met au lit, on se met en fufu. Soirée Netflix à Oululu. Ma Bella, je te lâcherai jamais, tu m'as suivi dans la merde. On aura notre ville au bord de la mer. Petit coucher de soleil à l'orée del mar. Oh ma Bella, je te lâcherai jamais, tu m'as suivi dans la merde. On aura notre ville au bord de la mer. Petit coucher de soleil à l'orée del mar. Oh ma Bella, t'es parti, ouais tu m'as chez là. T'as laissé ta place sur le matelas. J'en log dans la favela. Wesh ma Bella. Quand t'es revenu, moi j'étais plus là. J'aimais quand tu t'endormais avec mon pull large. Avant j'étais un gamin, même